Allô papa, c'est maman, je voulais te parler. Bye bye. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir te voir, ça croit que tu veux pas me voir. Là il fait noir, il est tard, si je serais un alcoolique, je serais en train de boire. Voir le fond des bouteilles à plat, je m'regarde dans le miroir. C'est dur à croire, mais je vois juste le désespoir qui s'évapore de mon corps. Mon cœur se lâche, pleure, sans pleurer, je resterai homme. Comme mon vieil homme me l'a montré, un homme ne doit pas pleurer. Mon père me l'a inculqué, mon grand-père a prouvé. Fait que je vais pas pleurer, je resterai serein, calme, regroupé. Prêt à faire face à la réalité, parler de football. Scratch mes balls, agir comme s'il y avait rien d'anormal. Malgré quand j'ai mal, car la séparation fut brutale. C'est ça, je suis victime des familles monoparentales. La vie c'est étrange depuis que j'ai plus ensemble. Mais moi ça me dérange pas, ça me dérange pas. La vie c'est étrange depuis que j'ai plus ensemble. Mais moi ça me dérange pas, ça me dérange pas. Sans choisir, à chaque jour je dois survivre. Dad s'est mal au téléphone, bon il se lève, bougon, chiol, met son gun dans le hall. Parle avec un ton mort, plat, plate, la face auto-dimat. Fac, je descends, mets la musique fort, écris des textes. Oublie le désespoir qu'il fait boire ta boire. Il devait l'aimer, maman y arrête pas de boire. Mais bon, c'est pas de mes affaires, je me mêle de mes histoires. Parle au fond de temps le soir aux filles qui veulent me voir. Je me noie dans le sexe, flex pour oublier les problèmes trop complexes, perplexes qui me vexent. Je leur manque pas de respect sous aucun aspect. C'est juste qu'avec le sexe qu'elles me donnent, je m'abandonne parce qu'elles sont très bonnes. Peace aux filles qui me bondent. Ben, sans nommer le nom, là. La vie c'est étrange depuis que j'ai plus ensemble. Mais moi ça me dérange pas, ça me dérange pas. La vie c'est étrange depuis que j'ai plus ensemble. Mais moi ça me dérange pas, ça me dérange pas. La vie c'est étrange depuis que j'ai plus ensemble. Mais moi ça me dérange pas, ça me dérange pas, la vie c'est étrange depuis j'ai plus ensemble. Mais moi ça me dérange pas, ça me dérange pas. Là c'est le temps des fêtes, c'est bête. Dans quelle famille je vais passer Noël? Elle ou elle, fait que j'oublie vite Noël. Rien de personnel, c'est juste que je les aime. Puis j'ai pas envie de faire parler, discuter, imaginer des faussetés. Fait que je reste chez nous à baiser. Pendant que la neige est en train de tomber, je pense à quel genre d'année je vais passer. Décembre c'est Noël, juin c'est ma fête. Là, j'ai l'air bête. Je regarde de proche la neige qui tombe sur Plum, le globe englobe mon quartier, ma ville et ma province. Puis je me demande où sont passés les contes de filles du passé. Si un jour je serais en amour pour toujours avec une princesse qui sans cesse m'aimerait, j'aime même quitterait, même qu'on aurait un labrador noir ou or pour nous protéger et jouer dehors avec nos enfants qui pèlent dehors. Bon, je l'ignore, mais espère, malgré que j'ai perdu presque toute confiance, qu'un jour je ferai confiance à une femme au point d'y passer une alliance. La vie c'est étrange depuis que vous êtes plus ensemble, mais moi ça me dérange pas, ça me dérange pas. La vie c'est étrange depuis que vous êtes plus ensemble. Mais moi ça me dérange pas, ça me dérange pas. La vie c'est étrange depuis que j'ai plus ensemble. Mais moi ça me dérange pas, ça me dérange pas. La vie c'est étrange depuis que j'ai plus ensemble. Mais moi ça me dérange pas, ça me dérange pas. La vie c'est étrange. La vie c'est étrange. La vie c'est étrange. La vie c'est étrange. La vie c'est étrange.